Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin et fier partenaire de la Véloroute des Bleuets. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte afin de souligner le 20e anniversaire de la Véloroute des Bleuets. Ce produit touristique majeur du lac Saint-Jean est une belle réussite et un beau travail de concertation des municipalités qui accueillent cette infrastructure. Je félicite toutes les gens qui, de près ou de loin, ont fait de ce produit ce qu'il est aujourd'hui. C'est plus de 200 000 personnes provenant de partout au Québec et ailleurs qui profitent de cet aménagement. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de sillonner cette magnifique route de vélo qui ceinture notre beau lac Saint-Jean, je vous invite chaleureusement à le faire. Merci. Hier, on a parlé avec l'ancien commissaire et l'ancien président des Alouettes, Larry Smith. Là, on parle avec le président actuel des Alouettes, Mario Cecchini. Bonjour, Mario. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ben, c'est moi qui devrais te poser la question parce que quelque part, je pense que ça devait être une déception. Puis moi, j'ai une pensée pour tous ceux et celles comme toi qui ont laissé un emploi, comme Danny Machocha qui ont laissé un emploi qui se ramasse aujourd'hui devant rien. C'est quand même spécial, là. Mais écoute, d'abord, j'apprécie ton empathie puis de mentionner ça, mais honnêtement, on voit pas ça de cette façon-là. Écoute, je me sens définitivement pas devant rien. Je pense à tous ceux qui ont vraiment perdu, tu sais, des personnes chères, puis qui ont vraiment subi des coups durs, peut-être plus difficiles. Nous, ben déjà, écoute, on est à préparer 2021. On l'a dit hier, puis on l'a dit depuis lundi, puis c'est pas des blagues. Déjà, on a des joueurs qui, on a beaucoup de joueurs qui sont pas sous contrat pour 2022. Danny va possiblement plus de travail à faire que s'il y avait une saison, parce qu'on va devoir réfléchir dans un contexte aussi où tu comprends que le football universitaire au Canada anglais jouera pas. Aux États-Unis, c'est pas clair non plus. Au Québec, c'est pas encore décidé. Fait que tu peux imaginer comment préparer le repêchage de l'année prochaine va être particulier sans avoir vu ceux que tu viens de repêcher. Pas de camp d'entraînement, rien. On va arriver l'année prochaine avec le double de recrues. Non, il y a vraiment beaucoup d'éléments à réfléchir. Il va falloir faire vite sur ça, puis bien. Fait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps. C'est pas comme si on avait énormément de temps devant nous. Tu parles, parce qu'hier, je faisais en entrevue Antoine Bruneau, qui est le représentant des joueurs du Rouge et Noir d'Ottawa. Puis lui, j'ai posé la question, penses-tu qu'il y a des joueurs qui vont quitter, qui vont aller tout simplement chercher un autre emploi ailleurs, dans d'autres domaines? Puis il me l'a confirmé, il a dit définitivement que des joueurs vont le faire. Donc, j'imagine que pour vous, là, tu parles de négociation de contrat, tu parles de. Mais le joueur, lui, va avoir une garantie qu'il va avoir une saison en 2021, là. Ça fait partie de toute la complexité. Quand on parle que la pandémie, ce que ça veut dire, c'est ça. On va arriver en janvier, puis en février. Écoute, moi, je suis sur le CA de quelques organisations de santé. Et j'ai quand même des sons de cloche plutôt positifs sur le mois de janvier, tu sais, qui parlent d'un possible vaccin. Là, ça veut-tu dire qu'il est mis en marché en janvier? Non. Mais, tu sais, est-ce que 21 pourrait être retardé un peu? Peut-être. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut le savoir. Mais c'est dans ce contexte-là qu'on va être obligé de travailler ensemble puis voir un peu. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont abandonner le football? Écoute, il y a 68 joueurs de la NFL, puisqu'on parle de laisser des millions sur la table qui ont choisi de pas jouer. Alors, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont abandonner, et ça va faire partie de l'adversité auquel on va pouvoir faire face, puis des solutions qu'il va falloir trouver. On est tous à la même longueur d'onde sur ça. Le commentaire de M. Pruneau est très, très pertinent. Mais C'est clair. est-ce que restructuration du personnel du côté des Alouettes, ça veut dire quoi? Est-ce que vous. Ben c'est sûr que vous n'avez pas de revenus depuis quoi? Depuis octobre l'année passée, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Exactement. Les fait matchs de que. football, Ouais. les revenus sont liés à la livraison des matchs. Fait qu'il n'y a pas de Commanditaire. revenus depuis le dernier match. Et ainsi de suite. C'est Là, ça. comment vous Ouais. faites pour restructurer votre organisation? Ben, écoute, dans le sens, d'abord, nous, on est chanceux parce qu'on a un nouveau propriétaire qui est très enthousiaste, qui est très solide aussi, qui fait qu'on est en gestion de cash flow. Mais c'est sûr qu'on va. Déjà, ça nous a forcé à travailler. Ben déjà, j'avais fait une réorganisation avant la pandémie. T'sais, la situation des Alouettes le demandait. Fait qu'à partir de ce moment-là, on l'a fait. Puis ensuite, là, on travaille beaucoup de différents projets avec la Ligue aussi, pour voir comment qu'au niveau de la Ligue, parce que la Ligue, c'est pas juste, tu sais, c'est facile à dire, hein, quand on vit une crise, les gens sont des fois peuvent être cyniques, puis on dit on va revoir le modèle d'affaires, puis on va regarder ça. On le fait, là. Moi, je peux dire qu'on le fait. Il y a du travail qui se fait. Il n'y a rien d'annoncé. Justement, il se fait bien parce qu'il se fait... Tu sais, là, tu as besoin d'avoir la tête claire puis pas de pression extérieure lorsque tu fais ça. Tu ne veux pas te tromper. Alors, il n'y a rien qui va être parfait. On ne fera pas plaisir à tout le monde, c'est clair. Il n'y a aucun modèle qui va rien garantir. Voilà. Mais on va dans le sens d'avoir des finances plus saines. Et si il y a une autre crise, tu sais, une crise, quand tu es pris par surprise puis il arrive, qu'est-ce qui arrive? Ben là, à un moment donné, tu te dis « OK, mais là, il faut avoir des leçons de ça. » Puis clairement, on n'était pas prêts. Alors là, on va s'arranger pour l'air. Il y a plein de choses comme ça. Je dois te parler de Randy Ambrose, son leadership. Est-ce que c'est... Randy Ambrose, d'abord, il faut le dire, c'est l'employé des propriétaires, des gouverneurs de la Ligue. Mais quand même, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait un plan clair. De vue de l'extérieur, tu as parlé de... C'est facile à dire, c'est sûr, c'est facile à dire, mais on voit ça de l'extérieur. Il semblait pas avoir un plan B et un plan C. Est-ce que je me trompe là-dessus? Ben, sur ça, je pense que Randy a lui-même dit qu'il y a des leçons à prendre de cette gestion-là, puis tout le monde pointe. Est-ce qu'on a mal parti ça au mois d'avril-mai? Possiblement. Ceci étant, faut quand même pas nier là que le grand responsable de tout ça, c'est la COVID. Là. Le seul point que je fais, puis moi, je le défends pas nécessairement, là, c'est pas une question de le défendre, c'est une question d'être clair aussi. Les autres ligues, puis si tu me permets une réponse un petit peu longue, parce que il y a de la perspective à mettre là-dedans. Alors, juste être clair, y a-t-il des choses qu'on a mal fait? Absolument. Est-ce qu'on aurait dû impliquer les joueurs plus tôt? Probablement. Est-ce qu'on aurait dû travailler dans deux plans de front à place de juste se concentrer sur le gouvernement? Assurément. Après coup, on l'observe, puis moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, ceci étant, quand tu te ramènes, puis tu compares, quand les gens nous comparent avec les autres ligues, tu sais, la Ligue nationale de hockey, exemple, ça a été, oublie pas que les revenus, tu sais, la saison était presque terminée. Les revenus sont tous là, les joueurs dans les séries sont entièrement payés, ils ont fait un deal spécifique. Donc, un peu plus facile. Nous autres, c'est pas commencé. Le soccer, la même chose, il était commencé. Il y avait beaucoup de revenus qui étaient engrangés. Nous autres, ils n'avaient pas. Je regarde même la NFL, puis je le souhaite pas, honnêtement. Mais tu as vu, là, rapidement, c'est devenu, il n'y a pas de problème, hein, on cancelle un match, on cancelle les matchs hors concours du mois d'août. Là, tu regardes le baseball aller, des parties, il y a des équipes qui ont joué 20 matchs, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont joué 10. Il y a quelque chose qui c'est difficile. Alors, tu sais, c'est juste ça. Il n'y avait pas de livre écrit sur ça. C'était géré sur le coup. Oui, là, en ce moment, il y avait 9 gouverneurs, il y avait 9 présidents qui ont des opinions fortes aussi. Fait que tu as 18 personnes qui gravitent autour, à qui tu veux faire plaisir, plus l'enjeu de s'assurer d'avoir trouvé une façon de payer les joueurs. Mmh. Et là, le gouvernement, tu sais, on était tous sceptiques face au gouvernement au mois d'avril-mai. Là. On était tous sceptiques. Moi, le premier, j'ai jamais vu d'échange plus que 50-50. Mmh. Mais à un moment donné, quand ils nous disaient « on ferme pas la porte », moi, j'ai rencontré le cabinet de Steven Guilbeault au complet, Mathieu Bouchard et son groupe. Ils ne fermaient pas la porte, ils nous écoutaient, ils posaient beaucoup de questions précises, puis on répondait. Alors, on s'est dit, OK, peut-être qu'il y a une chance. Puis là, à un moment donné, au mois de juillet, quand on a dit la première fois, ben là, nous autres, il faut mettre un deadline à un moment donné. Si tu ne veux pas jouer la Coupe Grey le 12 janvier, là, tu sais. Alors là, on avançait à chaque fois, puis à chaque fois, le gouvernement nous amenait là. Fait qu'on avait des raisons de croire. Okay. Je peux te dire après ça d'avoir des plans B, des plans C, il n'y en avait pas beaucoup. Je parlais avec Larry Smith. Ouais. Larry était ancien président des Alouettes, comme toi, puis il était en plus ancien commissaire. Ancien commissaire. Fait que, tu sais. Aller aux États-Unis, Larry. Ouais. C'est pour ça que moi, je pouvais quand même avoir. Je voulais avoir son point de vue là-dessus. Puis Larry est arrivé qu'un point. Ouais. Il dit, moi, je suis pas surpris parce que la Ligue canadienne de football sans spectateurs, c'est pas viable, on peut pas jouer. Par contre, il est arrivé une affaire, il dit, regarde, est-ce que pour la prochaine année, est-ce qu'on peut jouer au stade Percival Molson sans la distinction physique? J'ai dit non, mais il dit, le stade olympique, on peut mettre 20 000 personnes dans une possibilité de 60 000. Il y a des stades comme ça, comme BC Place à Vancouver, ça c'est un peu la même chose. À Edmonton également. Est-ce que ça pourrait être envisagé? Puisque dans l'ouest du pays, c'est très populaire, les Canadiennes. Et aussi, ben la distinction physique, tu peux le faire, puis tu peux mettre du monde, là. Ça aurait été étudié. Okay. Ça a été étudié. C'est sûr qu'une des premières choses qu'on a faites avec notre équipe, c'est de regarder le stade puis de comparer. Le stade, par contre, ce qu'il faut comprendre, je suis pas sûr qu'on se serait rendu à 20 000. Okay. Parce que là, 2 mètres, il faut faire les calculs, on aurait été peut-être à 14-15 000. Okay. Est-ce que ça aurait valu la peine si on avait joué? Absolument. Mais maintenant, on n'a pas le droit. On n'avait pas le droit. N'oublie pas qu'au Québec, non, je peux pas asseoir aujourd'hui, je peux pas avoir 15 000 personnes au Stade olympique. Okay. Comme le Grand Prix pouvait pas avoir 15 000 personnes ou 30 000 au Grand Prix. Le Grand Prix a demandé d'avoir 30 000, tu sais, spectateurs. Mais dans c'est une bulle, la BCP, mais Vancouver... Une bulle, c'est autre chose. Une bulle, ouais. Mais là, si on est dans une bulle, il n'y a pas nécessairement de spectateurs. Tu n'auras pas à Montréal, et là, il faut être réaliste, Danny. C'est pas une mauvaise idée, là, je vais être clair. Ouais. Mais une bulle, si tu... Ça va être difficile d'attirer 20 000 personnes pour un match BC contre Regina un mardi soir à Montréal au Stade olympique. Non, c'est sûr. Mais à Edmonton, mais dans l'Ouest, c'est beaucoup plus populaire, les Canadiennes. Là. C'est un autre marché, oui. C'est un autre monde. Ça aurait pu être possible, non? Je ne sais pas, je pose la question. Oui, ben, non, mais c'est-à-dire que d'avoir des spectateurs, c'est pas permis nulle part. OK. Ça, c'est, au Québec, là, quand on parle au ministère et au gouvernement, ils parlent encore de 250 personnes. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que le stade, c'est certain qu'on l'a envisagé. C'est la première affaire que l'on a faite. On a tout regardé. Le stade aussi coûte plus cher à louer. Mm. Mais ça, c'était toujours dans le contexte où on jouait chacun chez nous. Okay. Alors, si même pour la ville bulle avec Winnipeg, on a voulu proposer le stade. Mais le problème que j'ai avec le stade, Danny, et je pense que tu le sais aussi, oui. Si tu vas aller juste, demande à tes auditeurs d'aller sur le site web, puis il va juste voir sur le parc olympique. Fait qu'imagine, moi, j'ai une coupe grise, là, le 8 décembre, tu sais, parce qu'on a commencé tard, mais tu sais comme moi que s'il neige, ouais. Il y a 2 pouces de neige sur le toit, je peux pas jouer. Ouais. S'il y a eu du verglas la veille, je peux pas jouer. C'est compliqué, le stade olympique. Là. Au mois de juillet, c'est pas de problème. Quand t'es rendu une coupe grise le 29 novembre, tu sais, moi, je suis un fervent d'avancer le calendrier pour justement finir la saison plus tôt. Tu sais, j'espère qu'à Montréal, on va recevoir une coupe grise assez vite, ben là, oui, ben 2025, après les travaux. Mais si la coupe grise le 29 novembre, c'est toujours un gros risque. Est-ce que, moi, je t'inquiète, je le dis souvent, je suis la Ligue canadienne depuis 1981, on les a souvent enterrés, la Ligue canadienne de football, les 40 ans plus tard, ils sont encore là. Mais je dois te dire que je t'inquiète un petit peu. Est-ce que toi, tu es inquiet? L'avenir de la Ligue? Est-ce que les 9 comme est-ce que toi, tu parles aux 9 propriétaires? Est-ce qu'il y a une volonté ferme, d'avoir une saison 2021? Absolument. Okay. Moi, ce que je sens, sans aucune hésitation, il y a des gens qui sont inquiets, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a des gens puis moi le premier, quand je suis arrivé, j'ai dit on a les alouettes qu'il faut mettre droit en termes de situation financière, puis on avait aussi à mettre droit la Ligue. Et s'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça au mois de février, après la COVID, ils disent la COVID a ça de bon. Moi, je suis vraiment pas inquiet. S'il y a quelqu'un qui veut se retirer, il va mettre l'équipe en vente, puis on va trouver, je suis convaincu qu'on va trouver dans les villes serait concerné, on va trouver. La Ligue a traversé, écoute, la grippe espagnole, ouais. A traversé 2 guerres mondiales, a traversé des crises économiques, a traversé des fois être juste 8 équipes pour revenir à 9 dans le cas de Montréal puis de Ottawa. Écoute, je te dis, moi, ce un des objectifs auxquels je veux que la Ligue s'attelle rapidement, que je pousse à chaque fois, c'est l'expansion. Ouais. Je veux qu'on arrête de parler de Halifax, que ça devienne une réalité. Fait comment les 9 équipes se concentrent pour devenir 10? Puis s'il y a de la place pour 11 équipes après, puis 12 équipes, c'est ça qu'il faut faire. Ben même Québec, il faudrait relancer Québec. Là. Québec, a le produit... Ça serait-tu le fun de revivre ben Montréal? Exactement, c'est parce que à Québec, pour écouter la radio à Québec tout le temps, c'est parce qu'on rêve au Nordique, mais là, faut arrêter de rêver au Nordique. Puis je pense que quelque part, il y a de la place pour le Rouge et Or et une équipe de la Canadienne. Là. Il y aurait de la place pour les deux. Dernière question, tu dis quoi aux gens qui... parce que moi, je vois ça sur les médias sociaux, c'est le temps de la Ligue canadienne de se réformer, passer à 4 essais, abaisser le quota de joueurs canadiens. Moi, je dis non. J'ai dit au contraire, il n'y a pas grand-chose à changer. Les gens qui comparent, c'est ça qui est malheureux. Les gens comparent ça à la NFL, puis c'est quasiment pas le même sport. C'est très différent. Je suis très d'accord avec toi. J'adore le football de la NFL. Ouais. J'adore le football de la Ligue canadienne. Je le vois comme 2 enjeux. Je peux te dire, puis tu sais comme moi, le côté excitant qu'on a de la Ligue canadienne, puis on n'en parle pas assez. D'abord, c'est des athlètes de haut niveau, ouais. Premièrement. C'est pas du sport mineur. Deuxièmement, le côté excitant de la Ligue en fin de match où qui est joué. Tu sais, une game de la NFL, c'est super le fun, mais c'est donc plate quand la game finit, quand il reste deux minutes parce que les gars peuvent mettre le genou à terre quatre fois pendant 40 secondes, puis c'est 17-10. Tu sais, ça, c'est plate. La même chose que quand il n'y a pas de retour de beauté, un des jeux les plus excitants au football, quand un gars attrape un ballon, il part contre 11. Dans la NFL, on le voit plus. Les retours de, tu sais, toutes les beautés qui partent la mi-temps, il n'y a plus de retour, les gars, kick en dehors du terrain. On a beaucoup de choses à vendre. Je pense que la Ligue canadienne, d'année, honnêtement, avait peut-être un petit complexe de ce côté-là. On ne le disait pas assez. Ouais. On va commencer à le dire parce que notre football est différent, il est excitant. Puis oui, je pense qu'il doit rester à trois essais avec un grand terrain. La seule chose que j'abolirais, c'est le fameux point sur un placement raté ou encore un botté de dégagement. Tu peux gagner la Coupe Grey là-dessus, puis moi, je trouve ça... On se rejoint, Danny. On se rejoint pour ça. C'est juste ça. Je suis d'accord avec toi. J'abolirais ça, le reste. Hey, Mario, très intéressant. J'espère qu'on va reprendre ça. Anytime. OK. Ben, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Le président des Alouettes de Montréal, Mario Chiquini.